Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. Yannick Jean était de passage hier sur les ondes de la radio CKJ à Vissagny, une radio que je collabore de temps à autre. Il a été interviewé par Michel Tifot. Donc, on écoute l'entrevue intégrale hier de l'instructeur-chef des Saguenayens de Chicoutimi. Victoire très spectaculaire, victoire in extremis hier en prolongation pour les Sags. À Rouyn-Noranda, on va parler avec le coach et le directeur gérant. J'ai des questions pour les deux postes. Yannick Jean, bonjour Yannick, félicitations d'abord pour cette belle victoire. Merci beaucoup. Et vous avez fait sauter les médias sociaux, parce qu'hier, moi je marquais résultats au fur et à mesure, et quand j'ai inscrit à la fin, victoire des Sags, tabarnouche, j'ai eu à peu près 150 réactions dans 20 minutes. Les gens étaient contents, les Yannick. Puis on l'a vu, là, même à 1h du matin, lorsqu'on est revenu à l'aéroport à Godville, les gens étaient là, ils nous attendaient, ils étaient contents. On est des partisans en or, puis on est fiers là, de pouvoir redonner. On est fiers que les partisans soient fiers de nous, puis qu'on puisse redonner là, notre équipe, qu'on puisse leur redonner leur équipe. Avant de parler de cette victoire en 7, la question que je me posais hier, qu'est-ce que les joueurs ont fait dans la journée pour chasser la nervosité? Parce que les gars devaient être nerveux hier dans la journée, là. Oui, mais je pense qu'ils étaient beaucoup plus à leur affaire que le lundi matin, là. Le matin de la game 6. C'était une série, comment je pourrais te dire ça, où est-ce que les émotions ont vraiment été en montagne russe, tant d'un côté que de l'autre. Quand nous, on était très high en émotion, Rouyn-Noranda était terre à terre. Quand eux autres sont montés très high en émotion, nous autres, on était vraiment terre à terre. Fait, ça a joué comme ça beaucoup lors de la série. Puis, je pense que ça n'a pas été différent là, lors du match d'hier. Puis, il fallait pas voir ça comme une montagne, jouer un match numéro 7. Il fallait que tu vois ça comme une opportunité. Puis c'est le message qu'on a envoyé, qu'on a dit aux jeunes. Lorsque t'es petit cul et que tu joues dans la rue, là, tu rêves de compter le but gagnant en prolongation d'un match numéro 7. Comme je dis, c'est une opportunité. Si t'es stressé, c'est parce que t'as pas la bonne approche envers la situation. Dans la chambre des joueurs, dans le vestiaire, avant le début du match hier, est-ce que tu sentais beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance avec les gars sautent sur la glace? Oui. Tu le sentais? Oui. Mentalement, tout le monde était à son affaire. Tout le monde était sharp, bien préparé. Je te dirais, là, c'était beaucoup mieux que ça l'était là, lundi. Après la deuxième période, là, sur les réseaux sociaux, il y en a qui avaient déjà fermé les livres. C'était 3-1. Puis là, on sentait du découragement chez les fans. C'était 2-1. Puis là, à 3-1, là, je chantais. D'après la réaction des amateurs, là, ils seront pas capables de battre Rouyn-Noranda. Puis moi, je lâchais pas. Je me disais, qu'est-ce qui s'est dit dans la chambre des joueurs en prolongation pour que les gars sortent aussi fort avec autant d'énergie? Parce que en supplémentaire, vous aviez un 4 contre 5 à contrer, en plus, en partant. Tu sais, c'est vraiment la résilience de notre équipe. C'est le caractère, la chimie qui fait faire ça. Puis, tu sais, les joueurs, ils voulaient pas que ça se termine. Ils étaient prêts à tout faire, à tout donner pour que ça continue. Tu sais, après la deuxième période, on leur a dit, si au début de la série, on aurait dit, on va être un match numéro 7, on va être en retard d'un but la game. Après deux périodes, on a dit, OK, amène-nous là, puis on va faire la différence rendu en troisième. C'est un peu ce qu'on était capable de faire. Puis après la prolongation, il fallait juste continuer sur la même veine, sur la même voie. On avait tellement d'énergie là, en fin de match. Tout le monde y croyait, tout le monde était convaincu qu'on ne pouvait plus perdre. Question à Yannick Jean, le directeur général. Avec les performances des Climat, Galipo et Ratel, tu dois être fier de tes acquisitions dans la période des fêtes? Ben oui, on est fiers. Toute l'équipe qui travaille de ce côté-là, on est fiers de tout ça, on est contents. Mais C'est pas juste le match d'hier, hein. T'sais, la manière qu'ils se sont comportés, la manière qu'ils se sont moulés à notre équipe, qu'est-ce qu'ils ont apporté à notre équipe également. Je pense que c'est énorme, puis on est vraiment content d'eux. Yannick Jean comme joueur, Yannick Jean comme entraîneur, est-ce qu'il a déjà vécu des septièmes matchs? Ah, beaucoup. En 94, on avait joué 3 avant de gagner en 6 contre Laval en finale. On avait joué là 27 matchs dans les séries éliminatoires, les 3 premiers en 7 qu'on avait remporté. L'année d'après, on avait battu Sherbrooke aussi en 7. Puis moi, j'en ai joué 4 ou 5 là, ici, dans ma carrière junior. Quel est l'horaire des Sags d'ici vendredi? Je présume qu'il n'y avait pas une pratique punitive un matin. Les gars ont dû avoir du repos un peu. Non, on a un meeting cet après-midi avec un stretch. Ensuite de ça, on rencontre nos joueurs, on soupe ensemble à soir. La préparation est déjà commencée. Demain, on va pratiquer en après-midi. On va faire venir les joueurs demain soir pour y aller là, de certaines choses qu'on a à voir versus eux autres. Puis, on va partir vendredi matin là, pour Saint-Jean. Se peut-il que Nicolas Roy se tente de chasser une blessure? Non. Non? OK. Non. Il y a des gens qui ont semblé me dire Nicolas avait peut-être une blessure. Il n'y a pas de blessure? Il est à 100%? Non. OK. Oh, oui. Vendredi, vous partez à quelle heure pour ça? Vous partez en avion, évidemment? Oui, dans l'avant-midi, là, je te dirais aux alentours de 10 heures. Aux alentours de 10 heures. Dernière question, Yannick. En pourcentage, dans ton intérieur, quelles sont les chances des Sags de battre cette puissance des Sea Dogs de Saint John? Mais vous partez à 0-0, là, comme eux autres, là. Non, mon Dieu, je parle pas de pourcentage, je parle pas de victoire ou de résultat, je parle de processus. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, on aime notre équipe, tout le monde va les mettre favoris, ça nous importe peu, on va se concentrer sur nous, on va travailler avec ce qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant. Personne dans la chair de notre peau contre Rouyn Noranda. Comme tu l'as dit tantôt, personne donnait encore moins cher de notre peau avec quelques minutes à faire hier. Puis on va continuer de travailler de la même manière pour que le résultat soit positif au bout, mais on va se concentrer vraiment sur le processus. Les fans sont gagnants, les amateurs de hockey, les amateurs de sport ont du plaisir. Bonne chance, Yannick. On se reparle la semaine prochaine. Les Sags sont toujours en vie. Merci beaucoup. Bonne chance, bon voyage.